sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Bonjour, c'est Anne et Henri sur RKB pour Hentar Brezonek. Alors aujourd'hui, l'émission Trihantri à Trihugen, 363. Oui. C'est ça, Henri? Oui, Trihantri à Trihugen, ça fait joli, hein, ça fait comme une petite comptine, là. Voilà. Alors quel mot aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, j'ai pensé parler d'un mot qu'on entend très souvent, qui est un mot masculin, qui est emprunté au français médiéval, hein, ça, qui était rote, hein. Oui, on utilise tous les jours. Ah oui, rote qui a donné route. Hein. En gallo, c'est resté rote. Hein. On dit là, par exemple, on disait la rote messière, c'était le sentier construit sur les talus là, au-dessus des chemins, pour aller à la messe sans se mouiller trop les pieds, hein, puisque à l'époque les chemins creux étaient très boueux comme ça. Et donc, on faisait en breton, on dit ça, guinauge, hein, sur le talus. Et alors, de temps en temps, il y avait un petit escalier pour monter sur le talus, quoi. Et on pouvait circuler comme ça pendant des kilomètres. Vous voyez ça surtout dans les endroits un peu humides, quand même. Oui, au-dessus des endroits humides, hein. On pouvait circuler comme ça sur le talus sans se mouiller les pieds. On en trouve plus beaucoup aujourd'hui. Non, ils sont un peu disparus, quoi. On trouve des traces, quoi, mais. Mmh. Voilà, donc en gallo, la rote messière, le chemin pour aller à la messe, quoi. Voilà, alors ce mot en breton, c'est roude, R-O-U-D, hein, donc qui ressemble au mot route français, mais qui a pris un sens différent. C'est plutôt un itinéraire, un passage, c'est plus discret qu'une trace aussi. Par exemple, quand on va parler des animaux, hein, roude Paul, hein, la trace du sanglier, roue de louarn, hein. Mm-hmm. On entend souvent les chasseurs, hein. Une des préoccupations des chasseurs, c'est de trouver des traces, hein. Et on trouve comme ça roude, hein. Qui s'emploie d'ailleurs, on verra, soit au singulier, soit au pluriel, hein. On dit roude ou roudou, hein. Mm-hmm. Voilà. Donc un passage, une trace, un itinéraire, hein. On connaît notamment le mot roudour, d'ailleurs. Oui, alors roudour, c'est une forme particulière qui veut dire le gué. Mm-hmm. Le gué, donc, c'est un endroit où on passait les rivières, hein, à gué, quoi. Donc, alors, il y avait en général quelques cailloux pour les piétons, et puis les animaux passaient dans l'eau, carrément, quoi. Mais souvent, il y avait des pierres disposées ça et là, comme ça, pour faire un passage, quoi. Et puis après on a fait des ponts, hein. Bon, il y a des ponts qui sont très anciens aussi, quoi, mais on trouve ça par exemple un roude Halleg, hein, mm-hmm, le gué des saules, hein. Et on trouve d'autres endroits, hein. Par ici il y a Roudoué à Bourbriac, il y a Roudouhir aussi, on trouve des endroits comme ça. Ici à Pemrit, il y a Roudourou. Dourou plutôt. Roudourou, c'est à Guingamp. Ouais, c'est Guingamp qui me faisait penser à ça. C'est le même sens, hein. C'est un gué sur le trieux, hein. Roudourou. Et ici, c'est Douroudou qui était un gué sur la rivière qui est entre Pemrit et Kermark. Il y avait d'ailleurs deux gués, hein. Dourou Cause et Douroudouné, hein. Sur la nouvelle route, quoi. D'accord. Et donc, on trouve assez souvent ces noms en Roudou comme ça. Voilà. Et puis Roudour, hein, là, donc il y a l'organisme pour apprendre le breton là, qui effectivement, bon, c'est joli, hein, c'est un gué pour passer vers la langue bretonne. C'est un peu Hindenbrezonde, quoi. Si nous on appelle ça Hindenbrezonde, on aurait pu appeler ça Roudou aussi. Voilà. Alors on trouve aussi beaucoup d'expressions, hein, quand il n'y a pas de traces, par exemple Roude Bétezan. Hein, route bête, par un chasseur qui a cherché des traces d'un renard, hein, un de score de route bête 200, mm-hmm, ou à route bête 200, hein. Route bête, aucune trace. Route novel aussi, c'est la direction du vent, la trace du vent, hein. On dit aussi gwele et novel, hein, dans les pays, surtout dans les régions maritimes, hein, le lit du vent, mm-hmm, hein. On dit que le bateau est dans le lit du vent ou qu'il n'est pas, quoi, hein. Voilà. Mais roue de nave, là, c'est vraiment la direction du vent, quoi. Voilà. Alors, il y a l'expression « waroudou », hein, c'est sur les traces de. Alors, on voit souvent ça quand, par exemple, on fait des manifestations sur les traces d'un poète ou d'un artiste ou d'un écrivain, par exemple, hein, waroudou Anatole Lebras, oui. Waroudou. Là, il y a eu une exposition dernièrement, là, il y a toujours, d'ailleurs, sur Jean Gouriou, là, on pourrait dire waroudou Jean Gouriou, hein, voilà, puisque lui, il était photographe qui allait un peu partout, quoi. Et donc, on retrouve comme ça. Et c'est intéressant de cette démarche-là de retrouver justement les endroits où sont passés une personne, hein, voilà. Et on fait ça souvent dans pour le tourisme, des circuits, hein, des choses comme ça. Waroudou, hein. Alors, il y avait une expression qu'on trouve souvent, c'est Waroudou Antadoukos, hein. Ses grands-parents. Alors c'était oui. Alors l'idée c'est par exemple dans la chanson Guir vrai ton net, hein, on dit ça, hein, de Gerzel Waroudou Ontadou Keitamaz Eyorbedendro, voilà, d'aller le sur la trace de nos ancêtres, hein, continuer la tradition, hein, jusqu'à ce que tant que la terre tournera, ce qui est un objectif quand même assez lointain. Bon, donc voilà. Alors Roudou, j'ai dit parler de Roudou à Halleg, hein, de Roudou à Guingamp. Je cherchais tout à l'heure, oui, Roudou Hir, c'est à Plouizy qu'il y a un endroit nommé comme ça, Roudou Hir, hein, donc un longuet en fait. Hein. Voilà. On trouve différentes formes d'ailleurs de ce mot, hein, en particulier il y avait Roudouez qui était un guet en ancien breton. Alors il y a aussi une forme allongée de roud. Alors on trouve souvent rouden aussi. Hein. Rouden c'est une raie, une rayure. Hein. Rouden, hein, c'est dérivé de roud aussi. Hein. On dit les rouden du tracteur quand il a marqué dans voilà, le champ. Ah oui, voilà, oui, rouden. Hein. Et roudeneg aussi. Hein. Roudeneg qui veut dire zébré, strié, quoi. Hein. Quand j'étais gamin, on disait au nord un roudeneg, c'est un zèbre, quoi. C'est joli ça. Au nord un roudeneg, oui. Un zèbre noir et blanc. Voilà. Et il y a donc un mot féminin qui est arouden, qui est un passage. Hein, mais ici, on l'a modifié un petit peu, on dit garouden. Hein. Garouden, par exemple, pour un lièvre, hein, pour un lapin aussi dans un talus. Hein, on voit ces passages, hein, souvent, par exemple, des deux côtés de la route, on voit une garouden d'un côté et une garouden de l'autre. C'est là qu'on posait les collets autrefois pour les braconniers, quoi. Mais bien sûr, on ne fait plus des choses comme ça. Nulle part. Voilà. Et donc, ce mot « arouden » a donné aussi, hein, un verbe « aroudenon » qui est « montrer le chemin ». Voilà. Et ben c'est pas mal de montrer le chemin pour finir. « Aroudenon » un trou. Merci Henri. On passe à la deuxième partie d'émission. Présent avec dans ma tombe. On passe à la seconde partie, c'est Brézonnec dans ma tombe. Ben, on était allé faire un petit tour à Zantolec, comme d'habitude, Chanik va à Zantolec. Oui, voir. Elle était allée voir Iwan, oui. Oui, Iwan Danteg, hein, qui est. Ben, le producteur de cidre. Hein. Oui, à Kerizel, oui. Ouais. Et un producteur qui fait pas mal, qui sort pas mal de bouteilles. Oui, voilà. Alors, on continue à les écouter. Plein homme, en mort, Iwan. En me homme, banata, yorgiste. En me mentou, d'or, binfiu, de borgiste. Dré en man et te en avalo d'un ataïa. Ya, dondera en avalo en me gandendour, d'our, gualra de nyam, a kasset d'ar vilin, a zive draye d'un alo, a gen avalo marlet, vela ke d'amman balouer yo dir, pa pember. A kasset d'ar pressour goudé. Jusmad, a zimor pressour. N'est-ce qu'il y a presso mot de course? Non, au presso d'ipausé, zelet, en aval au yabars reontu, aga yamez rentuel, aga chuque ze ormez redinon. Ma de da evan? Ya, de te dan va ma peçoin, Chandik. Et Chandik, elle y va parce que de toute façon, elle fait bien son travail. Oui, oui, oui. Donc elle goûte tous les produits. Voilà. Voilà. On reprend phrase à phrase donc ce dialogue pour aller un peu plus loin dans le domaine du cidre. Plérom, Roman, Iwan. Oui, où sommes-nous ici hein? Plérom, Roman. Alors c'est un mot, mais nous on coupe un peu. Hein. Plérom, Roman, Iwan. Où sommes-nous ici, Iwan? Roman, Omba, Nataya, Schiste. Ya. Schiste. Omba, Nataya, Schiste. Nous sommes dans l'atelier du cidre, hein, l'endroit où on fait le cidre. En moment tout d'arbin vie ou de bergiste. Ya, en moment tout d'arbin vie ou de bergiste, hein, ici, il y a tous les outils, hein, toutes les machines pour faire le cidre d'aubergiste. Alors, Chandik demande Dréhamant et te en aval ou banataya. Voilà. Alors, elle demande Dréhamant par ici, te en aval ou viennent les pommes, hein, banataya dans l'atelier. Parce qu'il y a un petit fossé là par où une rigole hein, par où vont venir les pommes, hein. Elles sont portées par l'eau, Il y a donnera en avalo en mangandour. Il y a donnera en avalo gandour, hein. Les pommes viennent ici gandour portées par l'eau, avec l'eau. Gualretin en mang à Kassedarvili. Voilà, elles sont lavées, hein, gualret, elles sont lavées ici à Kassedarvili et emmenées au moulin. Ervilin, le moulin. Aze vidrayet en avalo. Voilà, et là les pommes sont hachées, hein, drayet, hein, hachées, broyées quoi. Agonaval ou malet, velaket amant. Voilà. Balonerio. Balouerio, voilà. Louerio, dire. Yeah. Alors, agonaval ou malet, hein, donc les pommes hachées, broyées, hein, velaket amant, on les met ici. Balouer yudir. Alors louer, c'est une auge au départ, hein, louer, hein, et donc c'est en pierre au départ, mais pour des auges, pour des récipients, des cuves en fait en acier, on va dire louer yudir. Hein. D'accord. Pas de pème. Pendant 5 heures, hein, donc pour bien macérer, pour que les tanins puissent passer dans le jus après. À casse-tête d'après, sourd goudé, demande Chandik. Voilà, et emmené au pressoir après. À Jusmat. Azemar Pressour. Voilà, Jusmat, ouais, exactement. Azemar Pressour, ici est le pressoir. Nekedor Pressour mot de cause. Ah non, Nekedor Pressour mot de cause. C'est pas un pressoir à l'ancienne, hein, c'est-à-dire la vis verticale avec le mout, là. Hein. Non, c'est pas un comme ça. Ah non, un pressoir diboué. Dibose. Dibose. Alors c'est un pressoir continu, dibose. C'est-à-dire ça tourne tout le temps. Il va expliquer d'ailleurs. Zélit, en avalo aya. Barz dré tu yeah. Aga aya Hermès dren tual. Voilà. En aval où il y a barz dré on tu, les pommes rentrent dedans par un côté et sortent par l'autre bout. Hein. Aga aya Hermès dren tual et sortent par l'autre côté. Aga chuk a ze Hermès dré dindan. Voilà. Et le jus sort par en dessous. Made da evan, demande Chandik. Made da evan, hein. Il est bon à boire. Bah oui, oh. Là c'est le mou en fait, hein, qu'on appelle le mou, hein, donc du cidre qui n'est pas fermenté du tout, hein, qui a une couleur un peu brune là, et qui est très laxatif. C'est très bon, mais c'est très laxatif. Il y a dis-moi dedans va un peu soin, Chandik. Il y a dedans va, hein, viens venez goûter, hein, si vous voulez, Chandik, Macarit. Voilà. Et voilà, et ils vont goûter le cidre. Enfin, c'est pas encore du cidre, hein, c'est du cidre, c'est du mou quoi, qui va ensuite fermenter. Pour donner le cidre. Alors c'est très bon, mais il ne faut pas en abuser parce que c'est une tendance laxative. Troisième partie d'émission, c'est Thierry Petra Zonévé Hervro. Ben, calze draw Zonévé Hervro, ou Hervé, je dis ouzan. Krogomp de Dientan et Velcustum, gant de l'arbour douar, ager vu et war armez. Eyom vraiment, ben, mis yu du, velvelar dans me breiz, alors aide, fin en disque à ramzer, aide au Dientan or guan, mis du, mis tierzu, mi blichtin or marrément, gobon, mariar kistin, ne se casse gistin blanc me met. Plus jusé, hein, n'est que d'aille, guanca, le droit, c'est comme moyen de voir les rois, à gazez au plus juste, à galise, vais plus juste, non, m'sœur. War arbé, drévras, vais comme ze cas, urmar et mort, au rogasso, hein, et vais juste, de ze n'incaden, puis de ce riz, ma peçon. Ag, pépini, glace, que l'ouzeille, a révèle, juste, évidemment, mais ze stade false. War dash, en l'arbre doux, a rima, m'scond, Mar et mort, vécom ze cas de scuden ou a produer yon mort, ag de sconverse mort, bénéfine, pes velaret, filière porcine, gan un du de skion, evel juste. Ag, evel juste, zo cas, dro a y a valoir andrasé, puis dur, prise au maloir, bénéfine, mais de prise, bouet de mort, zo edouaro, cas, puis dur, bah, bouet de mort, gouderet, ve cas, edou, Ag nedou zo et kaz warok, a setu, bon, zo kaz gude nou ganze gant priz ur mor. Gant priz ur mor ag priz ur bouen mor. Ag staliou implij kig mor, fel enaf zo hant ven mord, ma pouldreuz i gare, da skwer alar in krouget benefin tre broduerien ag verzerien. Ag evel just, ur zevel mor zo e bouez evit ekonomi ez breiz, ag... Kals dud zo vivant diwar l'arborze. Aspi meus vo kaven me meustra dis kloumo, evit kaz an trau war og war an tach en ze. Mesken trevado eve zave de breiz, trochet ba mis her e a waler, eman pinochet. Pezne ke an arve kaz gant un dud. Goudret petare pinochet, zizo velan in galag epinar. Hag pinochet zeus veget kaz deus e breiz, hein, pez velar an lar noaik e gwal c'han avet, deus miz her e bet amiz ebel vez zer et pinochet gwan, a gwaler miz me vez zer et pinochet han. Hag pinochet ze bremañ vez deb vez skorn de diantan, ba non eus in skorn e vel zo ba karez, hein, in eit de jardin, du jardin. Hag bon... Pewan yo gwal bijek de Pinochet in, mais vraiment gavan de madoir. Hag bon peu vegre kalz breiz a gansi gand di bi Pinochet vo zikour de ekonomiz breiz. A gansi la rand den du di bi Pinochet. A zez o mand vid a vugal e pedur, meus ang zo hou an barz, vel popei de be de zariz. Bon, hag la rand den du na han rei Pinochet de vugal e. Bon, plus jaradine, comme je vais j'en dans de stiez et gevro, hag, bon, comme je me star déjà de ze foire you oiseau bé, bah, plaintel, bah, bulade, bah, tchériel, bah, bla, d'auville d'au, pélar in mot, des glaceaux, wabé radlan, se de bacarès, voire carès, au revoir, à wabé de chombe couscque, pas très gonde, la pédisse, hag, voir, ze vigérant, v'd gogel, voire calonglan, gon, à plan me wad, un tri, vis du, Ag gwegel de houl se oa ive or foar, ba plij di an neig de ze vis du. Bon, oaz kom sam de ze hiez e gevro, pudur zo tombo kuden oa, pudur kan un araio e zo hond de zi hond de labour a doar dach en hiez e gag. Bon, o red ka de mod a wel vid ka de e beulien. De se vo kom ze dor vegel. Bon, hande gom de ze bouet an tamp, Pelzo ve gred lot sir am a breiz. Kaz de dud gwegel ve re mam goz ar re lot sir. Da skwer pe de zul, ha, de zibi gant un tam gant o ban ar kafe, pe tam an de pardon, a vi je gred lot sir ron, lot ron da revel, ve get palet de se breman. A kaz de stal yo ezo breiz an eus rata pe tze, hag ra palet ou a zo brudet tre ur vro hag bro hal a mam eus lerel. Pour Europa avoir un bid base ag vraiment irait de guarisi un trouse plusieurs rendel de svorspi half et au bord palais breton puis galette bretonne ma peu soin de svorspler war arbid velvegret a cet uso gret d'ostrola david quand vous marquez ou avec comme je dis IGP, c'est au vie de Villard et Végré d'un drap banorbro benecket, Hervé en mot d'ober à gezo récis n'a besoin. Hag on din de ze reiste a zo de ze reiste de la bourre de Braise a Marcel Courtaz a war drosé hag zo hor teliadou justement des vite vef et bit gret IGP ou vite de l'autre sir de ce Braise am hag la bourre a dra ivé war pâte vite d'abord IGP ma meus mot ze zo un tamm vel na aussi vite guin ma peson. Bon, vejenamzor contendard de ze labour douar bio. Braizam m'avait compte de père département, ka hendel zo mur roise, mais de ze père département de zo, wardro milwer quand ferme bio. Hag, ze zo ne boar roise, plus dur, bon, ze n'aura que mettre, mais wardro père pe bem dregan de ze douar. Mais me mestra, un trou ya warog tant matam. Hag, bon, ba penorbe da ba ono d'arvor et même zmon, hein, un dro de bear hand firm, zo, hein, aura bio, mais mon aura une tambo, tamma tam war grer. Hag ferme au bio, braise zo tro de mur, war a lez, hein, hag war a légumage. Bon, wardash en un endro, vraiment, trouz a reuse zo bepred, ka itron varia l'aneia, l'air vaugrès de Zuroir, bénéfine, un air bors névé. Très raun à naunet. Mais de bon, reuse au bopet, à d'air vaugrès de la farzem. De ce politique, reuse ne la rin que calze dra d'arrivegement, ne se voile belzo, ou abet cusul en UDB, à gazez au bécom ze calze, de zombs or de zone braise, d'asquer, wardash en un endro, wardash en, cusul ranvro, puis dur un UDB, zo haded, ben quand un tucri, bohémis vouen, à de ze politique, rezeriez, ou ebreiz, en braison de gagar galo. Wardash en braison de gjusma, de, strolad, puis rouedan ma peuzoan, diouyez, ra wardro en braison de, bah, ce scolio, laïc, ne zlid, di dragon de vet diabla, ne vaisseau. Hag, ya, tregon de l'assaut, hein, blado ou aperrugn, ou abed gred, gant savari, his oa ministre, un discadureuse gant Fanschmidt, pe ou abed dilen et Fanschmidt, vel président de Borral, hag, ou abed gred liseur lesen gantan, gant savari, ou lise, ou de l'arade ou circulaire, vel velard gant or vel estradureuse, hag l'arre ou a moyen d'or, classe ou diviezenk, gant galak de zon tu, hag ur yez rand vro, el evel an brezon dik de zon tuel. Hag, deja, vije gred, hein, pembla rog wa bekrou et de diwan. Hag, wa l'er zin, hein, wa l'er, lizer lezen ze, wa be gred, hlas diw yezek ba zan riwal, a di se wa krog an tro, hag, bremañ zo ba strolad diw yez, o ar dro, rwer mil bugel, o tis ki brezon, hein. Hag gandhi wan a gandhi hun, hein, zera wardro trizeg mil vugal e zo otis ki brezondek, tamp pedamp a skolaj ou breiz. Pa skol you breiz a skolaj ou breiz, a liseya ou mamez. E vel juz e zo ne petre, hein, pu dur pevejon je zo rwer kand mil bugel a tudio ang ba skol you breiz, med bon on tamp e memestra. Hag me pezgav an spontus, et vide réel, rêve gain monolingue de ces, ne neus netra. Nemed, on tom livage brezon de geba, scoliuso de spenorbin, mais hendel neus manbit. Nabu naba avec l'argent pierre. Hag, vuga les heures et monolingue, pas de hamzer skol, pas de blavezio à blavezio au chomon bascol, de glevon que comme zmanbit de zo bro, de zo nistor vro, de zo zevena dur benefin. Pe zo benefin un tru e vel just evit an ben. Vejo, pe jon jant bazen an houlan, pe diam de pe de du de vo kap de gomz un brezon ek ben kan la am. Pi ou gomz un brezon ek ben kan la am. Den ne war. Hanter kan, dou han, mil, pe mil, deg mil, den ne war. Zevo Hervé Yul Vretonet, hag Hervé Sturm Vogred et Vidorjez. Capé Sosur, Red Vos Sturm. N'est que de Bolonte Vard, de Vos Rode, Guirio, d'en Vretonet. Mames, m'avait connet, Bemde, War Tuden Tonio, et Bro Vrance, Bro Guirio Mabden. Mais de Zeneke Guir, avait juste, Ré War Untom, deux histoires en Provence, War Zeneke Guir. Puis là, en histoire en Provence, il y avait juste des histoires gues en Provence. Pas une histoire au bête scrive quand tu devais Ernest Lavis, à gagneuse scrive de Pesvelcred, une histoire de France, mais zézo, Hunter Guir à Hunter Gauve et l'arrêt. Or, plat, de spur et d'homme, mais y'en a rien, hein. Ouais. Hunter Guir, Hunter Gauve, dit seulement tout le temps. Alice Laranzé, mais Guir est bénéfique. Gouderé de bonne, Fanchbrouding, le Hadban de Orstud, Inou Agrel, Warzé, Orbraison, Nexobidiscar, Edgand Pot, Grand Émile Combe, Émile Combe, ou Tientan de ministre, ben, Blavez ou Tientan, ou Aler Milno, en Asie, ministre, Tientan de ministre, de Hulsevelar, président de Husul, président du conseil, personne pure, il l'a réwahis, Mivelen Diol. Mais là, n'est que fal, vers Hag, bon, hiss, zo behoen yon an kalz jacobine, da, ne deus, deus gred, der de war mam eus roud, evel just, na war mam eus hent. Hag, jacobine gwen, jacobine ru, bon, me rin so tout mesk, zo tout de dorn a dorn, evi distru jor vro, evel just. Hag, ba mesk politiker yon eus o hud, un de, oaz, j'y oaz zo kalz re, ezo vel evi Emile Combe. Hag ezo prez eus istru, peptra vegret, vid ur vran kiz a vid ur vro. Ha, deus ur iz, evel just, deus o, bantu klei, bantu ru, enfin, bantu klei, bantu ru, a bantu deru, hendel ba reiz, ban dao du bel, oa tout d'un tu, oa zo jacobine a dizen, quoi. Setu vorret ur bre breton, del ren sturm, kri, evel just, hein, hag zevel trau, evit vo kase war rog an brezon eo gaze vena dur an vro. Me gouskoud e don de rai o norm se revel just, hein. Peve komz deus pez vo tram de, ben kan la am, zo kal se drau de vo tram, pe vo echu gant ur petrol, pe vo ke kirini, jij altin gant ur herozen, pe vo deve dadar e war itron varia el an eier, kada houls bena en ne vo ke Kirinich de Halupatin, à ma treizaine voir Hadgwelet, David war, war un dachenous, David Pesout, hein, pe mi war mi, pe tant mon, l'on ne de ce broyoel, la maille ou alpagaille ou mi war mi, hein, pod, calzedra ou échancho, mais de, me mestrap et sausure, évidemment noirog, vos redderen, ober, ni om hunan, n'en est que rotas de spar, ispé de zlerel, te fetra ou, évidemment. Bon, c'est-tu au neube de zonge ou vide mis du, chilouer en RKB, hag, mais n'est que zonge ou du tout, hein, hag, l'arandar qui n'avo, Grace Carlin, tiens Norvégel. Norvégel, Eric.